Audrey H., été 1990. Je viens de refermer l'invention de la solitude de Paul Auster. Audrey aimait beaucoup cet auteur, et elle m'a fait don, à plusieurs reprises, toujours pour mes anniversaires, de quelques-uns de ses livres. L'invention de la solitude, la musique du hasard, Léviathan. Tous ces titres sonnent comme une petite musique dans ma tête, mais je n'avais jamais pris la peine de les lire. Cela me semble inconcevable aujourd'hui. Comment ai-je pu passer à côté d'un tel message? Un livre qu'on vous conseille ou qu'on vous offre, n'est-ce pas toujours quelque chose d'essentiel que l'on vous dit? Et pourtant, je n'ai jamais lu les livres qu'on m'offrait. Je n'aime pas qu'on me conseille mes lectures. Je n'aime pas être guidé dans cette promenade solitaire. Les livres de Paul Auster, qu'Audrey avait aimé, qu'Audrey avait choisi de m'offrir, qu'Audrey voulait que je lise, endormi sagement à la lettre A dans ma bibliothèque. Et je commence à les ouvrir aujourd'hui, aujourd'hui que le cercueil et la terre se sont refermés sur elle, aujourd'hui que ses paupières, ses lèvres sont closes et que je cherche désespérément à me souvenir et à comprendre. L'invention de la solitude parle d'un deuil, du deuil d'une personne insaisissable et incompréhensible, murée dans des traumatismes infantiles, à la personnalité opaque. L'invention de la solitude parle de ce père absent, et d'une petite sœur folle, et de l'enfermement. Dans une chambre, dans le ventre de la baleine, dans le silence, dans la nuit, dans la folie. L'invention de la solitude parle de mémoire et d'écriture, d'écrire comme acte de mémoire. Et je suis en train d'écrire pour me souvenir, pour faire surgir Audrey devant moi, comme si l'évocation de son fantôme pouvait réparer quelque chose. J'ai ouvert ce livre, et avec cette coïncidence mystérieuse que l'on trouve parfois entre le monde et soi, entre les autres et soi, à travers des objets, des lieux, des mots, ce livre avait précisément des tas de choses à me dire. Je l'ai lu d'une seule traite, dans cette transe particulière que le lecteur éprouve lorsqu'au-delà de toute raison, le livre, pourtant ouvert à tous les vents, semble avoir été écrit pour lui. Et cela me bouleverse plus que je ne saurais l'écrire. Paul Auster écrit que la littérature est pleine d'échos et de rimes, et que ces rimes adviennent parfois dans la vie. Tel événement rime avec tel autre, obscurément, et cette connexion crée du sens. Audrey ne pouvait pas savoir que je lirais ce livre lorsqu'elle serait morte, et que je partirais à sa recherche, comme un vieil Orphée noir à la voix brisée. Audrey ne me l'a pas offert pour m'offrir cette consolation, cette étrange réponse à mes questions, et pourtant, en le lisant, j'ai le sentiment qu'elle me tend la main pour m'attirer vers elle. L'écriture d'Auster ressemble étrangement à la psychanalyse. Même structure associative, même remontée du temps, même recherche des motifs récurrents, des symboles. Mais ce livre m'offre un miroir aux alouettes, car Audrey ne l'a pas écrit, mais seulement choisi. Je ne peux y trouver aucun contenu, aucune image qui lui serait personnelle. Auster fait écran, irrémédiablement, entre elle et moi, de même qu'il forme un lien. Le livre comme un pont brisé, qui permet d'avancer, de voir plus loin, mais pas de franchir. Le livre parle aussi de la difficulté d'écrire, et de la résistance obscure de notre inconscient au moment d'exprimer certaines choses. Cela me fait penser à un passage de Julien Gracq, je crois que c'est dans « En lisant, en écrivant », où il parle de l'écriture d'un balcon en forêt. Il dit que l'écriture mange les souvenirs, qu'il a fait appel à sa mémoire pour écrire ce récit et que l'écriture a bidé sa mémoire, en a retiré sa substance. Il n'a plus de souvenirs précis de la guerre, mais une zone mémorielle floue. Tous les détails, toutes les sensations retrouvées et qu'il a écrits se sont extériorisés, chosifiés hors de lui. Son livre et sa mémoire morte. Cette étrange dépossession est extraordinairement inquiétante. Que me restera-t-il d'Audrey lorsque j'aurai achevé ce livre? Faire son deuil, n'est-ce pas, comme l'acte d'écrire, tuer la mémoire? Écriture, mémoire et deuil, l'invention de la solitude. La mort de Laure plongea Audrey dans un trou noir. Je l'avais déjà connue malade, mais cette déflagration fut incommensurablement pire que les autres. À quelqu'un qui parfois se laisse renverser par un départ, une dispute, qu'advient-il lorsque la mort frappe? Je me souviens de l'enterrement. C'était la même église et le même caveau familial que 30 ans plus tôt. Monsieur et Madame H. étaient devenus de respectables sexagénaires. Madame H. avait acquis en autorité ce qu'elle avait perdu en beauté, et Monsieur H., comme un éternel adolescent, étonnait toujours par la sveltesse de son corps souple et l'éclat de son œil bleu. Ils avaient tout pris en main. Les parents de Laure, effondrés, la tête baissée et marmottant de vagues sanglots, avaient le cœur enfermé dans le cercueil qu'on allait bientôt descendre en terre. Pierre, pétrifié, la signification terrible de son nom vient juste de m'apparaître, ne laissait transparaître aucune émotion, mais on sentait un vide glacé, un abîme ouvert en lui, et sa dignité un peu raide, semblable à celle qu'il avait déjà, enfant, à l'enterrement de sa petite sœur, était poignante. On eût dit qu'il avait franchi une étape supplémentaire dans le chemin qui le séparait des vivants. Son silence, sa hauteur, sa distance s'étaient opacifiés. Il semblait incapable de s'occuper du petit être rougissant, au visage mouillé et mobile, qui vagissait sous des tombereaux de dentelle blanche. Malédiction, pensais-je en moi-même, en regardant les grands yeux bleus foncés, et encore à demi aveugles, de ce nouveau-né saturnien. Quelle conjonction d'astres malveillants avait présidé à sa naissance? Je frissonnais dans l'assemblée en songeant que j'en faisais partie. C'était Madame H. qui s'occupait du bébé, qui le portait, arrangeait ses dentelles et le berçait avec douceur. Je me souviens d'avoir été cloué de surprise devant ce tableau. Aucun de ses gestes ne paraissait forcé, aucune exaspération devant ses cris soudains, ses vomissures enfantines. Elle offrait, là, tout à coup, d'une manière totalement inattendue, l'image apaisée d'une grand-mère bienveillante. Audrey, en revanche, qui avait du mal à se mouvoir, paraissait presque ramper à l'arrière du cortège. En la voyant trébucher, hagarde, oubliée par son frère qui suivait le cercueil, délaissée par sa mère qui n'avait Dieu que pour la petite Margot, son père lui offrit le bras et lui adressa un regard de gratitude si affreux à voir que je détournai les yeux. On eût dit qu'elle était devenue vieille, immensément vieille, en quelques jours. Non qu'elle fût défigurée ou ridée, mais sa faiblesse extrême et les efforts insoutenables qu'elle déployait étaient ceux de l'agonie. En quittant le cimetière, je sus que je devais m'apprêter à la recevoir à la clinique et pris toutes les dispositions nécessaires. Et en effet, dès le lendemain, on vint me l'amener. Ce ne fut pas Monsieur H., cette fois, mais Madame H. Audrey marchait avec une difficulté encore plus grande, comme si un poids énorme pesait sur ses épaules et ployait son échine. Sa tête était presque à la hauteur de son ventre. Ses jambes fléchissantes se dérobaient et ne la portaient presque plus. En les voyant arriver à l'entrée, je demandai à une infirmière de transporter Audrey en fauteuil roulant jusqu'à sa chambre et de l'y installer en attendant ma venue. Audrey était habituée à ces formalités et elle n'opposa aucune résistance. Elle se laissa choir de tout son poids dans le fauteuil, comme si elle était soulagée, et garda la tête baissée sans même m'adresser un regard. « Je n'ai pas beaucoup de temps, docteur, » dit Madame H., lorsque je l'ai reçue dans mon bureau. « Comment va-t-elle ? » ?»« Comment va-t-elle ? Vous l'avez bien vue, enfin. Son frère est veuf de quelques jours, dévasté, sa nièce est orpheline, mais c'est elle qu'il faut soigner. Ah, si vous saviez, docteur, ce que je lui en veux. Elle a toujours été comme ça. Quand Jessica est morte, elle a fait la même chose. C'est elle, elle, toujours elle. Vous savez ce que j'ai été obligé de faire, non? De la nourrir à la petite cuillère, oui, à la petite cuillère, comme un bébé à 30 ans. Pendant que la petite Margot hurlait pour avoir son biberon. Mais cela, elle s'en fiche. Je comprends que vous êtes très sollicité. Je vais m'occuper d'elle. Comment va Pierre? Madame H. se radoucit quelque peu. Pierre? Je ne sais pas, je n'ai jamais su. J'ai parfois l'impression que Pierre ne connaît pas véritablement l'usage du langage. Il se tait, parfois pendant des heures. Cela devient assourdissant. Et l'enfant? Margot va bien, Dieu merci. Vous savez le pire, le plus exaspérant dans tout cela? C'est qu'Audrey n'aimait pas sa belle-sœur. Je ne sais pas si vous le savez, mais Laure lui portait sur les nerfs plus souvent qu'à l'accoutumée. D'ailleurs, je vous avouerai qu'à moi aussi. Mais est-ce que je fais semblant d'être effondré, moi? Non. Je fais ce qu'il y a à faire, comme je l'ai toujours fait. Pierre se renferme comme une huître, et l'enfant doit bien être élevé par quelqu'un. Audrey n'était pas très proche de Laure, mais elle aimait beaucoup son frère. Oui, admit-elle, c'est vrai. Mais Pierre n'a pas le temps de s'occuper d'elle, voyez-vous. Il a autre chose à gérer qu'une petite sœur dépressive. Il vient de perdre sa femme, il est père. Il va devoir élever une petite fille tout seul. Madame H, je vous promets de faire tout mon possible pour la soigner. La soigner ? Dit-elle avec mépris et amertume. Ça ne se soigne pas ce qu'elle a. Ça vous empoisonne toute une vie et ça vous tue. Je fus heurté par la violence de ses paroles. Je vais tout de même m'y efforcer, dis-je en lui tendant la main. Je la regardai partir, impeccable dans sa tenue de demi-deuil. Puis je fermai la porte de mon bureau et allumai une cigarette. Quand Jessica est morte, elle a fait la même chose. La mort de sa belle-sœur, de sa belle-sœur. Jessica n'était-elle pas la plus jolie aux yeux de leur mère? Pourquoi Audrey s'effondrait-elle maintenant? Je revis l'église, le caveau familial. Audrey enfant, pincée par sa mère, qui arrangeait les dentelles de Jessica dans le petit cercueil blanc. Margot dans ses dentelles blanches, dans les bras de Madame H. Audrey adulte, trébuchant derrière. Audrey nourrie à la cuillère, le bébé hurlant pour son biberon. La belle-sœur au tombeau. Le frère happé par cette douleur. Le frère rendu absent de lui-même. Comment Pierre avait-il réagi à la mort de Jessica? S'était-il détourné de la petite Audrey à l'époque? Avait-il eu une période de silence, de rejet, de solitude? Puis le visage de Laure. Laure qui avait peur de laisser tomber son bébé et qu'il avait laissé tomber de la plus radicale des manières. Laure morte de sa maternité. Audrey, avec des photos d'elle partout dans sa chambre, des photos avec les enfants d'Hélène, au Canada, des images de sainte maternité, les pommes roses, le jardin merveilleux, la mer, la question d'Audrey lancinante. Là d'où vous venez, les mères ont-elles toutes les pommes roses? Existe-t-il de bonnes mères? Puis-je devenir mère? La réponse de Laure, radicale, horrible. Non, il est impossible d'être mère. Il est plus facile de mourir. Tout cela convergeait, formait un faisceau aussi déconcertant qu'inéluctable. Un dépressif est toujours pris dans des raies, dont le motif est changeant, multiple. Les images se multipliaient, leurs échos s'amplifiant les uns les autres. Jessica, Laure, Margot ne faisaient plus qu'une. Audrey revivait la naissance de sa petite sœur et la jalousie qu'elle avait éprouvée et qu'elle n'avait jamais pu résoudre. Audrey revivait la mort de sa petite sœur et l'abandon de sa mère et de son frère qui avait suivi. Audrey revivait cette jalousie, cette mort et cet abandon comme un crime qu'elle avait commis et un châtiment qu'elle recevait. Mais Audrey vivait aussi à travers le bébé le deuil de sa propre mère. Laure mourait, la mère mourait. Cette idée lui était insupportable comme elle le lui fut toujours. Audrey avait peur de la disparition de sa mère, plus encore que de la sienne propre. Ce que je ne compris jamais tout à fait, et à travers Laure, sa contemporaine, elle échouait elle-même à devenir mère. Je songeais la phrase de Madame H. Vous savez le pire, le plus exaspérant dans tout ça? C'est qu'Audrey n'aimait pas sa belle-sœur. Comment aurais-je pu lui expliquer ce qui venait de m'apparaître avec la plus cruelle des clartés? J'éteignis ma troisième cigarette un peu avant la fin, puis décidai d'aller voir Audrey. Elle était prostrée, presque dans un état de coma vigile. Elle ne me parla pas ce jour-là, mais je vis, à de menus détails, qu'elle avait pris possession de sa chambre. Elle semblait relativement paisible, mais il était difficile de dire si c'était dû aux anxiolytiques et aux neuroleptiques qu'on lui avait administrés. Je ressortis de la chambre au bout de quelques minutes, après lui avoir serré la main, et lui avoir exprimé mon affection et mon inquiétude le plus simplement possible. Elle secouait la tête tristement, et je la sentais au bord des larmes. Je préférais partir plutôt que de la troubler ce jour-là. Elle mit plusieurs jours à se réalimenter seule, et plusieurs autres jours à se remettre à regarder autour d'elle, à réagir, à parler, puis encore plusieurs semaines avant de rire à mes pointes d'humour. Le jour où elle rit pour la première fois depuis presque 2 mois, elle me remercia. Je m'étais moqué d'une infirmière en faisant une grimace dans le dos de celle-ci. Le visage d'Audrey s'éclaira comme un ciel, m'offrant une joie violente. Les guérisons d'Audrey étaient toujours très lentes, très progressives. Je me souviens qu'au bout de quelques semaines, elle me demanda de téléphoner de sa part à un jeune homme à qui elle souhaitait expliquer sa situation. Je compris par les quelques mots que j'échangeais avec lui qu'il y avait quelque chose entre eux, comme le début d'une histoire que la mort de Laure avait brutalement interrompue. Et puis Audrey se ressaisit, comme elle le faisait toujours, Elle s'arma de courage et retourna dans la vie. Plus de 3 mois avaient passé cette fois. Monsieur H. était venu quelquefois, le samedi, passer du temps à côté de sa fille, lui apporter des douceurs, s'assurer qu'elle ne manquait de rien. Mais je ne revis pas Madame H., ni Pierre. La petite, comme disait Monsieur H., nécessitait tous leurs soins.